Donc, on est présentement avec Philippe Granger, gars, dude de CISM. Je le vois rire à la caméra présentement. Animateur de Si la tendance se maintient, qui était avant mon émission la saison passée, et aussi animateur du palmarès du mardi et étudiant à l'UQAM en relations internationales. Salut, Philippe. Salut, salut. Ben merci Gab de l'invitation. Donc oui, si la tendance se maintient, en passant, émission politique, je co-animais avec Julia Pagé. Donc si jamais vous voulez le retrouver, ça se trouve encore sur les plateformes de balado-diffusion. Et oui, je viens de graduer en relations internationales et droit international au baccalauréat. Puis là, je fais un petit programme court en études autochtones, donc encore à l'UQAM. Études autochtones, c'est le fun, ça. On a eu comme beaucoup de sujets récemment, pas fait dans la dernière année à l'émission. Puis peut-être te réinviter pour parler de ça à un moment donné. Ben, ça me ferait, c'est sûr que ça me ferait plaisir. Dans la mesure où je parle de ce que je suis pas autochtone, donc je parle dans la mesure pour un non-alloctone de ce que je connais. J'ai quand même fait. J'ai fait un stage à l'espace autochtone récemment de Radio-Canada, donc j'ai pu vraiment explorer le monde autochtone, mais aussi la relation qu'on peut entretenir entre les allochtones et les autochtones, puis à quel point c'est viable pour la suite des choses. Mais c'est ça qui est intéressant, t'es du point de vue de personnes comme nous qui sont à l'extérieur de ces communautés-là. Puis je pense qu'il y a comme. Bien sûr, on veut laisser la place aux gens de ces communautés-là de s'exprimer. Ça, c'est super important, mais il y a quelque chose de. C'est quand même une certaine valeur de pouvoir explorer de l'extérieur. Puis voir, en fait, c'est ça, voir comment maintenant, tu sais, comme tu dis, donner une plateforme, une tribune aux Autochtones, c'est ultra important, même que c'est essentiel. Mais après, il y a aussi toute la question de, bon, qu'est-ce qu'on fait, nous, comme non-autochtones, pour bien entretenir une bonne relation, pour bien être un catalyseur de ces voix autochtones-là, puis tout en restant aussi, bon, tu sais, alloctone, puis rigoureux dans notre approche, tout ça. Moi, ouais, j'ai d'ailleurs eu Vincent Perra de l'émission Culturée, et du oui. plan de cours pour parler justement de ça. C'est bien intéressant. Oui, oui, oui. Toujours très intéressant, ce fameux Vincent. J'ai eu le plaisir aussi de participer à ses émissions. Donc, ouais, vraiment. Aussi disponible sur le plateau de balado-diffusion. Donc, aujourd'hui, je t'ai invité parce que tu as répondu à l'appel que j'ai lancé à CISM, comme j'ai besoin de gens pour interviewer, pour m'aider à préparer en fait la session qui s'en vient. Tu as répondu et on va pas parler de relations internationales, on va pas parler d'études autochtones, on va parler de quelque chose d'autre. T'es écrivain à tes heures et ouais. Et est-ce que tu as gagné un prix? J'ai pas, ben, ça, après, ça dépend. Tu sais, j'ai participé à des concours au niveau collégial, au niveau secondaire, puis oui, j'ai gagné des petits prix rendus là, même que quand, au début du secondaire, j'avais participé à un concours par l'Organisation de la Francophonie, en lien avec l'ONU aussi, puis donc, ils m'avaient remis un petit prix, mais tu sais, c'était rien de bien transcendant, fallait écrire des petits contes et genre, j'avais gagné un prix. Plus récemment, j'ai pas vraiment gagné de prix, mais j'ai été finaliste, par contre, pour le prix de la Nouvelle Radio-Canada. Donc, ils avaient plus de 800 textes de soumis, plus de 800 nouvelles, et le mien a été sélectionné parmi les 23 finalistes. Donc, j'ai pas gagné de prix, parce qu'il y a différents prix, mais j'ai quand même été... Je considère quand même, ça a été quand même un petit coup d'encouragement, cette nomination-là. Ben c'est ça, c'est pas à négliger, t'es comme 23 sur 800, c'est quand même... Ouais, puis surtout pour un texte que j'ai failli pas soumettre, j'hésitais entre deux textes, plusieurs me disaient d'envoyer A plutôt que B, finalement j'ai envoyé A et B, et finalement c'est B qui s'est retrouvé à être finaliste, donc oui, c'est sûr, ça m'a donné une certaine confiance dans mon écriture. Ben c'est ça, fait qu'aujourd'hui on va parler, entre autres, de ton texte « Rum and Coke ». Yes! Celui qui a été retenu, que j'ai lu et j'ai été comme plaisamment surpris. C'est un bon texte, il faut que je le dise. Je me suis exclamé à genre 2h du matin en le lisant. Là, comme... Ben merci. Merci beaucoup. C'est un texte qui parle, entre autres, de... comment est-ce que je pourrais dire? Je voudrais dire un genre de comme soft colonialisme, là, mais. Ouais, ben c'est pas mal dit. Si tu veux, je peux essayer d'articuler quelque chose. Moi, comment je vois ça? Peut-être un petit résumé, là. Ouais. Ben, en résumé, c'est l'histoire d'un narrateur qui n'est pas nommé. Un narrateur, mais qu'on sait qu'il est un jeune universitaire étudiant en cinéma qui se retrouve en fait sur une île. Ben, en fait, il est en vacances dans un tout-inclus à Sainte-Lucie. Et c'est à la première personne et on suit vraiment ses pensées où il essaye beaucoup de se convaincre que tout va bien, que sa vie va bien, qu'il est bien chill et tout ça, mais en fait on se rend compte qu'il a un vide puis qu'il veut, notamment il veut comme socialiser un peu, voir du monde, peut-être se trouver comme un one night ou quoi, tu sais, puis donc on le suit un peu à travers ces réflexions-là, mais il est très, disons qu'il est très dur, très incisif, très cynique même parfois, je dirais, dans son approche, donc on le suit à travers ça. C'est ça, il veut chercher un one night, et mais t'sais, on comprend qu'il est intéressé par les gens, mais il est un peu détaché par rapport à ça, c'est pas explicitement dit. Est-ce que ça dérange qu'on dévoile un peu comme... Non. C'est correct. C'est ça. Éventuellement, il rentre dans sa chambre d'hôtel parce que il a rien d'autre à faire, puis il se sent un peu comme... Il dit qu'il est pas loser, mais il se sent loser essentiellement. Ouais. Puis c'est ça. Puis en fait, c'est lui, il essaye de te convaincre que t'es pas loser, mais plus il essaye de te convaincre, plus que tu constates qu'il est. Puis donc, ouais, à un moment donné, c'est ça, il se retrouve dans sa chambre, puis donc il voit quelqu'un nettoyer. Voir un autre homme nettoyé, puis donc il décide de coucher avec lui, mais si je peux me permettre de déjà plonger là-dedans, cette scène-là de sexe, quand je l'ai fait lire à certaines personnes, ils me disaient « Oh mon Dieu, ok, c'est comme, c'est legit de la pornographie ce que tu proposes », mais ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, quand je l'ai écrit, ça se voulait très maladroit, et c'est très maladroit comme scène de sexe, et donc moi, je considère plus ça comme de l'humour que comme de la pornographie, mais... Ouais. C'est explicite, mais c'est pas pornographique. Il y a quand même une distinction à faire, là. Oui, en effet. Parce que, comme, c'est ça. Les actes sexuels sont comme décrits quand même clairement. C'est clair. C'est une écriture claire et limpide. Pour moi, c'est important. Pour moi, je peux pas imaginer ça autrement. Moi, j'ai des amis qui écrivent des poèmes. J'ai aussi ma sœur, en fait, qui écrit des poèmes. Puis, ce niveau d'abstraction qu'il trouve, évidemment j'aime tout ce qui est poétique, moi-même dans mon écriture je sens que je fais de la certaine poésie, mais moi quand c'est trop abstractif j'y arrive pas, c'est pas assez droit au but. Et moi une auteure que j'aime beaucoup qui fait ce genre de d'approche là assez directe, c'est notamment Amélie Nothomb, Jean-Philippe Barry-Guerrard, donc moi c'est ce genre de personnes là que je veux rejoindre plus direct, ouais, dans leur approche. Ouais, c'est ça. J'ai eu un auteur récemment dans mon émission. Il a écrit un livre « Ceux dont on ne redoute rien ». Rien. On rien. Redoute rien. À chaque fois que je le dis de même, je me sens toujours un peu... Anyway. Un peu keb. Oui, c'est ça. Et c'est quand même un livre qui a à peu près 400 quelques pages, là, mais qui se lit extrêmement bien. Puis justement, je l'ai dit, c'est une écriture claire, limpide. Tu te poses jamais trop la question qu'est-ce qui se passe. Puis justement, il y a quelque chose aussi dans ton texte qui est de même. C'est pas brut, mais c'est droit au but. Comme. Oui, c'est droit au but. Puis d'autant plus que... pour une nouvelle, tu veux tout le temps sentir, c'est pas comme un roman où tu peux comme dévier un peu et tout ça, tu sais, la nouvelle, je pense que c'est une forme qui permet beaucoup d'être beaucoup plus droit au but, puis en fait que c'est justement, c'est en une bouchée, donc tu fais ça vraiment, tu sais, comme tu dis, tu vas à l'essentiel, puis d'ailleurs, j'avais ce texte-là, Roman Coke, je l'avais soumis à certains professeurs de mon cégep, et je me rappelle que beaucoup de commentaires qui étaient sortis, c'était que ça ressemblait à Michel Houellebecq, l'auteur français. Et je n'ai jamais lu du Michel Houellebecq de ma vie, encore aujourd'hui. Donc, je sais qu'il est controversé. Donc, je sais pas si c'est un compliment ou quoi. Je sais pas si je m'identifie à son écriture parce que j'ai jamais lu du Michel Houellebecq. Donc, je sais que par contre, qu'il est très, lui aussi, il est très brut et cynique dans son approche. Donc, bon, ben, là-dessus, je sais que je le rejoins. Ouais, moi, je suis pas un grand lecteur. Pour moi, lire, c'est difficile. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui vont comme comprendre ça. C'est, prendre le temps de le faire, quand on est sollicité de tout bord, tout côté, Ouais. c'est pas facile. Puis avoir comme l'attention pour le faire aussi. Toi, tu lis depuis longtemps. Ouf, oui, je lis depuis longtemps. J'ai toujours été ce genre de personne qui dit qu'il aime lire, mais j'avoue que en vieillissant, moi aussi, c'est comme surtout avec. Je suis juste un fan de culture en général. Fait que quand t'as des propositions culturelles de tous les bords, tous les côtés, tu sais plus où en donner la tête. Fait que j'avoue que je lis moins que j'aimerais, mais je pense que c'est comme pas mal tout le monde est dans cette situation-là. Ouais, surtout maintenant. Là. Ouais, surtout maintenant. Ouais, mais fait que je lis moins que j'aimerais, mais oui, je lis quand même assez régulièrement. Tout ça pour dire que je connais Houellebecq de nom, mais je l'ai jamais lu moi non plus. Ah bah ben. Je sais pas si c'est à découvrir, mais je sais que je le vois souvent, disons, dans des friperies, là, les librairies de seconde main, je vois son nom passer, donc je suis comme bon ben un moment donné, je vais lire un de ses livres. Mais c'est quand même, tu sais, c'est relativement, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que, tu sais, les gens, ils en achètent beaucoup. Après ça, ils s'en débarrassent, mais... Ben, moi, ça serait un de mes rêves un jour. Ça serait premièrement de sortir un livre, puis deuxièmement de retrouver ce livre-là. Bon, peut-être dans une librairie aussi, oui, mais dans une librairie de seconde main, je suis comme, OK, ça fait comme son temps. Genre, tu sais, c'est comme, OK. Des petites bibliothèques là, sur les coins de rue, là... Oui, les libres-services, le livre-service, je pense même qu'ils appellent ça. Donc, ouais, ça, moi, tu sais, c'est comme, ouais, moi, c'est devenu quasiment un rêve. Moi, quand j'étais petit, je voulais devenir réalisateur, ou, tu sais, en tout cas, être dans le domaine du film. C'est encore un truc qui m'intéresse, les films. Mais là, maintenant, je penche plus vers la littérature parce que je pense que c'est plus mon créneau. Puis c'est aussi parce que le cinéma, c'est un gros travail d'équipe et il y a quelque chose de beau là-dedans, mais je suis pas sûr que je serais capable, moi qui aime ça, vraiment créer seul, tu sais. Donc, c'est ça. Ouais, c'est intéressant ça. Moi qui étudie en cinéma, plus le temps avance, plus je me rends compte que... Tu t'imagines quand t'es jeune que le cinéma, c'est t'arrives là, t'as ton idée, genre « Ah, moi, je veux être réalisateur. » Mais en fait, c'est un chaos contrôlé, comme juste qu'il y a plein de monde qui se pile ses pieds constamment. Puis c'est pas... C'est une industrie, entre guillemets, mais c'est... c'est comme... Imagine du théâtre, mais... comme les productions théâtrales, quand on a cette représentation-là au cinéma, le théâtre, c'est chaotique, c'est plein de gens, tout créatifs qui sont comme ensemble, puis qui essaient de comme faire naître de quoi. Le cinéma, c'est pareil, tu sais. Ouais, puis tu sais, surtout que plus tu avances, plus tu t'as d'embûches, puis tu sais, au final, ça a l'air de devenir tellement essoufflant, tu sais, de tout le temps de voir, je sentirais que je dépendrais tout le temps trop des gens par rapport à ce que je voudrais. Parce que oui, c'est bien de faire un travail d'équipe. Je veux dire, c'est beau, moi, quand je vois un film puis que c'est comme plein de gens talentueux et passionnés, tout ça, qui font quelque chose ensemble, c'est magnifique, mais c'est ça. Je suis pas sûr que j'aurais les nerfs assez solides. On disait tantôt que ton écriture est claire et droite au but. Les choses sont décrites assez explicitement, sauf que le propos est quand même un peu caché. Il y a un soin qui est fait dans ta nouvelle pour pas dire les choses que tu veux dire de manière explicite. Oui, non, ça c'est sûr. Ça, j'adore ça. Ça, si tu savais à quel point je sais que tu l'as pas formulé comme tel, mais je le prends quasiment comme un compliment parce que honnêtement, ce que je déteste le plus, c'est quand on me met trop les choses dans la face. Donc, quand un film veut trop te faire comprendre de manière pas naturelle que la fille à côté du personnage, ben, c'est sa sœur, tu sais. Moi, il faut tout le temps que ça passe différemment. Puis, c'est drôle parce que j'ai beaucoup d'inspiration dans le cinéma de cette approche-là, de pas trop... En fait, c'est beaucoup dans le cinéma que je prends ça, que j'absorbe cette éducation de pas dire les choses directement. Donc, je pense notamment à Arrival de Denis Villeneuve, un de mes films préférés. Donc, toute la confiance qui est donnée à l'auditoire. Ben moi, j'essaie le plus possible, et c'est dur, mais j'essaie le plus possible de faire confiance à mon lectorat parce que j'espère tout le temps qu'ils vont comprendre ce que je veux dire, même si je dis pas tout. Ouais, puis pour dire ce que tu veux dire dans cette nouvelle-là, tu t'appuies sur un contexte géopolitique particulier. Oui. Les tout inclus à la base, t'sais, contexte, tu le disais en début d'émission, néocolonialisme, t'sais, c'est on décime des places pour mettre quelque chose, puis on voit à quel point ben finalement ça sert à tout le monde blanc, t'sais, puis c'est des blancs qui se font servir par des noirs, t'sais, puis il y a tout le contexte aussi du fait que ce soit à Sainte-Lucie et qu'à Sainte-Lucie ben l'homosexualité soit illégale. Et que, ben, le personnage principal, lui, il s'en fout pas mal. Puis il n'y a aucune répercussion vraiment sur lui, ce fait-là. Puis vraiment, ça change rien, mais on se rend compte que c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Puis que, ben, tu sais, ça peut peut-être avoir des répercussions plus larges que ça. Donc, oui, c'est sûr, en tant qu'étudiant en relations internationales et droit international, sensible quand même aux enjeux politiques, juridiques, sociaux, ben, c'est sûr que j'ai puisé un peu là-dedans pour écrire mon texte. Ouais, ouais. Ouais, parce que les tout inclus, moi, de la manière dont je vois ça, c'est que ça existe. Ça peut exister parce que justement, ça coûte pas cher. Parce que, ben, être à ces endroits-là, même si tu es dans une place qui est comme, tu sais, c'est si ou déjà c'est une place, là, c'est. Un Club Med. Ouais, un Club Med, mais des endroits qui sont comme ça, qui sont, c'est la France essentiellement, mais c'est des places insulaires, c'est considéré comme la France, mais les citoyens qui sont là-bas, ben, ils ne sont pas payés comme des citoyens français le seraient, puis ben, les employés de renom dans ces places-là, ben, c'est des gens qui viennent de la France, puis ceux qui font le ménage, ben, c'est des gens qui sont locaux. Puis tu peux aller là-bas puis boire comme tu veux, puis ça coûte pas cher parce que ben ça coûte pas cher à payer ces gens-là. Fait qu'il y a toujours comme un aspect de comme colonialisme qui est présent. Moi, ça me choque un peu, genre des gens qui sont comme. Il y a toujours il y a toujours du monde qui vont pouvoir dire, t'sais, dans une optique très néolibérale, ah ben non, mais c'est parce que ces gens-là, sinon ils auraient pas de job, t'sais, sinon ils seraient dans la rue et tout ça. Puis il y a du monde qui vont dire, mais non, ils sont contents que vous soyez là, puis. Je suis comme, admettons que ce soit vrai, ça reste que la dynamique qui est là est pas saine, ça reste que les territoires en question, comme je disais, sont décimés de manière de ce que je vois et de ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu, pas de manière appropriée, notamment en vue de l'urgence climatique, tu sais. Donc, j'ai pas l'impression, puis je suis même assez convaincu que, en effet, c'est pas viable, puis que c'est une forme de néocolonialisme. Après, est-ce qu'on est sorti de là de sitôt? Ça, c'est une autre question. Quand on parle de ton approche, tes relations internationales, etc., tu parles de Sainte-Lucie où ça se passe, puis on ne l'a pas dit clairement, mais ta nouvelle elle met en scène une relation homosexuelle. Tu l'as mentionné, l'homosexualité est illégale à Sainte-Lucie. Ouais. Et l'attitude de ton personnage en dit beaucoup sur qu'est-ce qu'on, comment nous, on se place par rapport à ces endroits-là. Oui, c'est... ben, tu sais, je vais faire peut-être un genre d'aparté avant de répondre peut-être plus directement à ton commentaire, mais... c'est drôle parce qu'on a cette utopie des relations, ben, tu sais, c'est pas une utopie, ça existe vraiment, les relations internationales, mais dans le sens, on se dit, on se tient tous main dans la main, on est tous d'accord, puis on défend les droits humains. Et tu sais, l'homosexualité, en tout cas, de mon point de vue, c'est quelque chose qui n'est pas un choix, qui n'est pas culturel, dans le sens, c'est pas, ça donne que les communautés du Nord, ben, sont plus, tu sais, homosexuelles. Non, selon moi, c'est une réalité qui est internationale, qui concerne tout le monde. Et donc, voir ça comme un... Tu sais, présentement, le droit international ne se penche pas beaucoup, ou en tout cas pas suffisamment à mon goût, sur les questions qui concernent les minorités sexuelles et de genre. Puis donc, je trouve que, ben justement, nous, on se dit... Tu sais, on aime ça se dire qu'au Québec, ben même qu'aujourd'hui, c'est quasiment, tu sais, comme on dit, ah, être une femme, c'est correct aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Ben, c'est la même chose, être LGBTQ+, aujourd'hui... c'est correct. Et là, parfois, il y a du monde qui se rattrape et disent « au Québec ». Moi, je trouve que même au Québec, il y a des problèmes à régler, mais disons, OK, admettons, on dit « au Québec », je trouve que le problème à l'international est encore extrêmement grave. Tu sais, des pays où tu peux être littéralement tué parce que t'es homosexuel. sais, c'est puis le droit international, comme je dis, est assez, a déjà assez de mal, a déjà beaucoup de fil à retordre présentement, donc se penche plus là-dessus, mais il y a beaucoup de militants qui se penchent là-dessus, mais là après on rentre sur ben tu sais les justement, comme je disais, ben, tu sais, les gens les trouvent trop radicaux, là, la droite, comme Éric Duhem aime ça parler de lobby gay, donc, on les trouve trop extrêmes parce qu'ils sont en train de défendre des droits humains, je commence à trouver ça un peu paradoxal, donc, je voulais un peu expliciter ça, dans mon écriture, ce je m'en foutisme, notamment relié à ça, et qui est partagé non seulement par les gens qui ne sont pas LGBTQ+, mais par les gens qui sont LGBTQ+, aussi. T'sais, aujourd'hui, on trouve énormément de LGBTQ+, qui sont conservateurs. Et même que c'est une rhétorique utilisée par beaucoup de partis d'extrême droite pour justifier l'islamophobie. Et c'est pas moi qui invente ça, ça a été documenté, il y a eu un article notamment de The Economist là-dessus, c'est super intéressant. Mais donc voilà, c'est un peu ça que je voulais dénoncer dans mon écriture. Ouais, c'est ça. Le personnage lui-même a de l'air comme désintéressé par cette cause-là, règle générale, parce qu'il est très centré sur lui-même, puis juste son plaisir au minimum dans le moment présent. Oui, puis il se dit que, anyways, il a payé pour ça, donc il n'a pas à se sentir mal. Ça, c'est la logique que beaucoup de gens entretiennent. T'sais. La logique néolibérale, capitaliste, loi du marché. Ben, loi du marché, exactement, oui. Puis, en même temps, c'est... Tu sais, j'ai l'air de vraiment attaquer dans le sens, vous devriez plus y penser, mais je peux pas moi-même me disculper de ce genre d'attitude-là, tu sais, parce qu'on l'entretient tous d'une manière ou d'une autre. Tu sais, là, je l'ai peut-être mis à un certain extrême, je l'admets, tu sais. Puis oui, je le formule aujourd'hui et aussi dans mon écriture comme une forme de dénonciation, mais tu sais, comme je dis, on est tous un peu... coupable là-dedans, puis en fait, c'est un travail commun à faire, qu'il faut faire, bien évidemment. Ouais, quand même à noter que dans ta nouvelle, tu sais, c'est pas dénoncé explicitement dans le sens où, tu sais, tu regardes des films étudiants des fois, puis c'est comme la drogue, c'est mal, puis... Ah oui, non. Ah non, ça, oui. Comme j'ai dit, en fait, toutes mes critiques, je veux pas nécessairement les faire de manière frontale, tu sais, donc, ouais. Tout, en fait, aussi, moi, j'aime ça quand les gens le prennent vraiment comme ils veulent, tu sais, il y a du monde qui le prenne vraiment, tu sais, j'ai envie de dire au premier degré, c'est-à-dire, ils le prennent comme une histoire d'un gars qui a envie d'un one night, puis là, il a un one night, puis that's it. Puis, il y a du monde qui regarde pour plus de layers, puis j'aime ça que chacun soit un peu servi dans là-dedans, parce que, ben, c'est exactement ça, la vie, en quelque sorte, tu sais. Puis moi-même, parfois, on me donne des commentaires sur mes textes, puis il y a des trucs auxquels j'ai pas pensé, puis je suis comme « Oh, wow, ok, genre, c'est des belles réflexions que t'as, puis je suis content que toi, tu développes, tu germes ce genre de réflexion-là grâce à mon écriture, tu sais. » Ouais, il y a un aspect à l'écriture, ou ben à la création artistique en général, qui est inconscient. T'sais, on puise sans le savoir dans... notre vécu, dans l'environnement dans lequel on est. Donc, on veut expliciter des choses, mais aussi on le fait sans le vouloir. Comment je pourrais dire? On représente le moment dans lequel on est, qu'on le veuille ou pas. T'sais. Exactement. Ouais, puis tu sais, dans mon écriture, ça a pas été... On l'a pas vraiment mentionné, mais c'est aussi mon écriture, on l'a mentionné pas mal, mais mon écriture est très... j'allais dire grossière, elle est pas grossière, mais elle est très familière, disons, tu sais, avec, bon, les anglicismes, les manières de parler peut-être plus jeunes et tout ça, puis donc, ça se veut aucunement, comme tu dis, la drogue c'est mal, tu sais, genre, ça se veut pas frontal de même, ni aussi articulé que ce que je semble peut-être sous-entendre présentement, tu sais. Devant un micro. Ouais, c'est ça, parce qu'on en parle, on en fait comme on la décortique, mais c'est parce qu'on peut le faire présentement, tu sais, parce qu'on a un certain recul. Toi, tu l'as écrit, moi, je l'ai lu. Mais c'est ça, ben oui. Ça me fait tellement plaisir en passant que, justement, on prenne le. Moi, ça, c'est sûr, ça m'honore de pouvoir parler de ce texte-là, parce que moi, écrire, c'est ce que j'aime le plus faire, vraiment. On va juste parler un peu avant de continuer du personnage, parce qu'il est comme un peu antipathique. Et c'est pas un personnage qui est fait pour que tu t'identifies à lui. Puis, je sais pas. Ouais. Ouais. Ben non, non, mais c'est tout le monde, mais ben pas tout le monde, là, mais genre j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit ça, puis je comprends, puis je suis d'accord, mais moi c'est je parlais de Jean-Philippe Barry-Guerrard. Moi, Jean-Philippe Barry-Guerrard, c'est sûr que disons son livre Royal où le personnage est détesté, il est détestable. Moi, je m'identifiais à lui parce que genre on a tous parfois des pensées qu'on devrait pas avoir, mais qu'on a. C'est par rapport à nos envies, nos impulsions, par rapport à ce qu'on déteste, par rapport à ce qu'on, tu sais, on est le personnage principal de nos propres vies, pas mal. Puis donc moi c'est sûr que je m'identifie pas à mon personnage, mais on s'entend que si je l'ai écrit, c'est que je le puise quelque part et je comprends un peu ce évidemment, je compatis pas, j'ai pas d'empathie pour lui ou quoi, mais je comprends le processus et au moins je connais du monde qui ont, tu sais, qui aurait ce genre de réflexion-là ou quoi, tu sais, je le puise dans ce qui m'entoure, ce qui me touche, ce que moi je pense, tu sais, donc un peu dans tout, puis ça donne ça, donc, c'est ça, je sais pas où je m'en allais avec ça, mais. Mais il y a deux choses à retenir, je crois. C'est que, premièrement, les gens, souvent, ils s'attendent à s'identifier au personnage, puis ils veulent une histoire qui relève un peu l'espèce humaine. T'sais, ah oui, les bonnes choses de la vie, ah, l'espoir et tout. Puis quand une histoire ne répond pas à ces attentes-là, souvent, c'est vu comme étant mauvais ou pas bon. Oui. Puis oui. Puis j'ai remarqué au fil du temps que souvent les œuvres que j'aime le plus, c'est les œuvres où les personnages sont vraiment pas nécessairement honnêtes. Tu sais, je parlais de révéler des choses au lectorat. Moi, j'ai un livre que j'aime beaucoup par rapport à ça, c'est voyons, Et au pire, on se mariera, de Sophie Bienvenue. Et la narratrice de Et au pire, on se mariera ment parfois au lectorat. Et donc, on a du mal à savoir quand est-ce qu'elle dit la vérité. Ça fait qu'à la fin, on est complètement confus. On sait plus si ce qu'on lit, c'est vrai ou faux. Et ça me passionne. Et se rendre compte, en fait, donc, que le narrateur, la narratrice a ses défauts. Et ce que j'aime faire parfois pour expliciter ça, c'est utiliser une comparaison en roman graphique avec des romans graphiques quand même assez connus. Il y a d'un bord, il y a, je dirais, Persépolis de Marjane Satrapi, qui est une de mes œuvres préférées. Et de l'autre bord, je mettrais Michel Rabagliati, disons, ou peut-être même Guy Delisle, mais peut-être moins Guy Delisle, mais en tout cas, surtout Michel Rabagliati. Et Marjane Satrapi, dans Persépolis, a vraiment pas peur d'exposer ses défauts. Oui, parfois on l'aime, on la trouve intelligente et tout ça, mais tu sais, parfois elle a fait des choses, disons, à un moment donné, elle a dénoncé quelqu'un à tort à la police, puis elle s'en tire pas, elle essaye pas de vraiment de s'excuser. Après, toi, malgré toi, en tant que lecteur, tu l'excuses d'une certaine manière, mais elle le cherche pas, ça, ta pitié ou quoi, elle fait juste exposer ce qui a été la vérité et ce que ça a été sa vie. Je sens plus souvent dans Paul que Michel Rabagliati, même s'il dit que bon, Paul, c'est pas lui, on le sait très bien qu'il y a un gros lien entre Paul et Michel Rabagliati. Paul, on veut tout le temps trouver ça un peu cute, tu sais, ou Guy Delisle, ça doit tout le temps être un peu cute, genre, ah, il a fait ça, mais c'est parce que, oh, on comprend, on se met à sa place. Puis le lecteur aime, tu sais, on se dit, ah, c'est des petites erreurs de la vie. Mais moi, je préfère beaucoup plus quand vraiment c'est comme, j'ai été méchant, j'ai fait une gaffe, j'ai fait quelque chose de pas bien, mais c'est parce que dans la vie, on fait tous des choses de pas bien. On a tous déjà menti. On a tous déjà fait des choses qu'on regrette. Donc, je préfère cette approche-là. C'est ça, parce que là où je voulais en venir, c'est que t'sais, l'écriture ou la création artistique, c'est aussi une manière d'explorer les côtés les plus sombres de la vie ou de l'existence. Hein. Puis, des fois, ben, faut que tu choques un peu le lecteur. Ouais, ben ça peut être controversé, tu sais, parfois dans les films ou quoi, où tu sais, on dit, c'est Wrecking Ball de Miley Cyrus, on se dit, ah, oh, c'est choquant, puis là, aujourd'hui, on verrait Wrecking Ball, puis je suis plus sûr qu'on serait aussi choqué, fait qu'on se dit, est-ce que c'est la provocation qui a fait qu'aujourd'hui, c'est normal, ou est-ce que c'était avant-gardiste, je pense qu'il y a souvent ce genre de questionnement-là, peu importe la forme d'art. Je m'attendais pas à une référence à Wrecking Ball. Sérieux. Ouais, bah, avec moi, c'est pour s'attendre à ce que ça aille de Michel Houellebecq à Miley Cyrus. Tout ça pour dire, Miley Cyrus, est-ce qu'elle est avant-gardiste ou est-ce qu'elle a fait partie d'un processus de normalisation? Là, la question, elle se pose. Ben, d'ailleurs, j'en profite, je fais une promo alors que je n'ai aucun lien avec ça, mais je conseille aux gens, s'ils s'intéressent à Miley Cyrus et à ce qu'elle signifie dans la culture, de lire le livre. Un livre qui se lit en 2 secondes. Miley Cyrus et les malheureux du siècle de Thomas O. Saint-Pierre, donc un professeur de philosophie, c'est aux éditions Documentis. J'ai adoré ce livre-là. Adoré. Je le conseille à tout le monde. C'est long? Vraiment pas. Ça se lit. Moi, je l'ai lu en 2 jours, je pense. Donc, c'est un mini-livre. Mince. On va aller regarder ça. Ouais. On va faire un peu ta biographie, juste parce que c'est quand même assez intéressant. C'est pas une biographie assez. C'était pas ordinaire dans le sens où t'as eu une éducation particulière. J'ai eu une éducation assez, j'ai envie de dire, privilégiée. J'ai fait 11 ans dans une école française à Montréal. Il y a 2 écoles françaises à Montréal, le lycée Marie de France et le collège Stanislas. Il y en a un dans le coin plus de NDG, l'autre à Outremont. Je suis allé au collège Stanislas, donc de la maternelle jusqu'au secondaire 5. J'aurais pu rester jusqu'au cégep. Mais j'ai quitté pour aller pour pas rester au système français, donc et pas faire mon lycée, et plutôt donc aller au cégep, aller au collège Jean de Brébeuf, là aussi entre Outremont et Côte-des-Neiges. Des coins semi-privilégiés, mais en même temps, c'est particulier ces coins-là, tu sais. Moi, j'ai une fascination pour ce coin-là où tu sais, les richissimes, ben on parle pas de ultra-milliardaires, mais de quand même des richissimes, des gens influents ont vécu dans ce coin-là. Tu sais, toute la famille Trudeau, ou tu sais, Anaïs Barbeau-Lavalette, quand on lit La femme qui fuit, c'est ce coin-là, tu sais, c'est intriguant et aussi, il y a un aspect un peu patrimonial à ce coin-là. Donc, bref, c'est fascinant. Ouais, mais quand on parle de tes NDG, on parle de tes richissimes, mais aussi pauvreté. Oui, Côte-des-Neiges, le coin Côte-des-Neiges, c'est sûr, c'est vraiment bizarre parce que vraiment, Brébeuf vient délimiter un coin. En fait, c'est tamponné un peu par le coin étudiant que représente l'UdeM, mais entre le coin étudiant, en fait, le coin étudiant est coincé entre le Outremont très riche, surtout que c'est le coin qui est proche de Côte-des-Neiges, c'est le Upper Outremont, c'est vraiment les grosses baraques. Et de l'autre bord, après, t'as le Côte-des-Neiges, donc un des quartiers les plus pauvres de Montréal, tu sais. Donc oui, c'est sûr qu'il y a un clivage. Et quand même, t'es étudiant à Brébeuf, vraiment, c'est pas la même vibe quand tu vas à la station UdeM ou quand tu vas à la station Côte-des-Neiges. Ben, malheureusement, c'est normal, tu sais. Ce qui arrive souvent, j'ai l'impression, c'est que aussitôt que tu as des gens qui sont plus riches que la moyenne, directement à côté, tu as des gens plus pauvres que la moyenne. On le voit avec c'est quoi, c'est Parc Extension et Ville-Mont-Royal, avec la fameuse clôture. La fameuse clôture. Ouais, C'est ouais, choquant, ça. ouais. Oui. Puis je m'y connais pas assez, disons, en géographie, en urbanisme, pour pouvoir me pencher là-dessus, mais je suis sûr qu'il y a des recherches là-dessus. Moi, je trouve ça fascinant. Puis donc, oui, tu sais, aussi, il y a un petit coin, tu sais, il y a un petit côté, je trouve. Tu sais, c'est sûr qu'à ce moment-là, les gens riches qui sont à côté, soit il y a deux cas, soit ils veulent mettre une clôture, ou soit au contraire, ils se sentent comme les héros, ils se disent, ah, mais moi, je suis là pour pouvoir changer ça, là. Tu sais, moi, je connais ça, la pauvreté, j'étais proche d'un quartier pauvre, tu sais, genre, je pense qu'il y a du monde qui peuvent développer aussi ce genre de réflexion-là. Ah, il y a plein de. Je pense que ça s'approche de plein de directions puis de plein de manières. Moi, ce que j'en sais, c'est surtout. J'avais un cours au cégep qui était Montréal Underground et méconnu, au cégep de Saint-Laurent. Puis c'était un cours d'option, puis on explorait un peu la ville, son histoire, puis comment c'est construit au fil du temps. Une des sorties qu'on avait faites, on avait fait plusieurs sorties. Il y en a une que c'était, ben, on fait un parcours dans Parc Extension. On sort de métro, on fait un parcours, puis on rentre dans un autre métro. Et essentiellement, on passait à côté d'écoles, de lieux de culte et d'installations comme des parcs dans Parc Extension. Puis on traversait la clôture pour aller dans la ville Mont-Royal, puis on voyait comme la différence. Puis comme d'un côté, c'est pas entretenu, c'est poussiéreux, il n'y a pas beaucoup de. C'est des vieilles écoles croulantes, il n'y a pas d'arbres. Là, tu passes la clôture, puis tout est des gazons partout. Oui, puis ce qui est d'autant plus intriguant, je dirais, avec Ville-Mont-Royal, c'est qu'il n'y a pas énormément de transports en commun. Donc, la différence est encore plus flagrante, tu sais. Donc, au moins, disons, tu sais, Outremont, Côte-des-Neiges, ce coin-là, tu sais, vraiment, ça se relie beaucoup avec le transport en commun, mais chaque fois que je me rends à Ville-Mont-Royal, c'est un casse-tête, alors que Parquet, ça l'est beaucoup moins. Ouais, ça sont comme exclus eux-mêmes de. Ben, c'est ça, ils s'excluent eux-mêmes. On dirait que c'est quasiment que ça leur fait plaisir de d'être aussi isolés parce que anyway, ils utilisent leur char, donc. Ouais, c'est ça. Le collège Stanislas, c'est le système français. Est-ce que ça a été formateur? Ça doit, là, quand t'es Ah, ben, jeune. c'est une excellente question. J'ai une relation amour-haine avec ma scolarité, je dirais. J'ai pas d'origine française à proprement dit. Mon père vient de Saint-Donat, ma mère vient de Boucherville. Par contre, donc c'est ça, ils ont visité cette école-là, ils trouvaient que c'était, ils aimaient bien le système et tout ça. Et oui, le système français, c'est sûr, ça m'a formé beaucoup dans ma manière de m'exprimer, ma manière de structurer mes pensées. Côté philosophie, histoire, littérature, là-dessus, j'en ai beaucoup à. T'sais, j'ai beaucoup de reconnaissance envers le système où je suis allé. Puis d'ailleurs, ça me rappelle un reportage récent de Télé-Québec, d'une mission de Télé-Québec où ils accompagnaient Charles Tisser au Collège Stanislas, justement, parce que c'est un ancien de Collège Stanislas. Il disait que justement, ça a beaucoup aidé Charles Tisser, le système français, pour l'aider, parce qu'avant, si je me rappelle bien, il faisait du bégaiement ou quelque chose, ou en tout cas, il avait un problème quelconque de l'élocution ou d'apprentissage, je me rappelle plus précisément. Et donc, ça l'avait aidé, et je comprends pourquoi. Mais d'autre part, c'est un système très, très strict, très hiérarchique. C'est compétitif, mais plus que je pense des autres systèmes. Donc, ça a vraiment ses limites. Et au niveau des sciences, personnellement, j'ai été quand même assez déçu. Moi, je me suis rendu au cégep, et tous les étudiants qui étaient du collège Stanislas, quand on étudiait les sciences, là, au cégep, on s'en mordait les doigts. C'est donc, évidemment, comme toutes les écoles, il y a ses failles. Puis je regrette aucunement d'avoir fait le parcours que j'ai fait. J'ai adoré mon parcours, puis j'ai rencontré autant des étudiants que des professeurs exceptionnels. C'est là notamment que j'ai appris le mandarin. Et donc, c'est ça, j'ai adoré, mais bon, après, est-ce qu'il y a ses défauts et tout ça? Est-ce que j'ai des critiques? Et est-ce que j'ai eu parfois des moments plus dépressifs dans cette école-là? Oui, donc. Mais bon, est-ce que c'est propre à tout le monde? Ça, c'est une autre question. Ouais, la question, elle se pose, est-ce que c'est exclusif au collège Stanislas à être dépressif quand étudiant? Non, ben voilà, non, mais c'est ça. Moi, je chante tout le temps que quand les gens comparent leur école, ils disent tout le temps, ah, moi, c'était pire, c'était horrible et tout, mais t'es comme, tu le sais pas tant que t'as pas vécu les deux, tu sais, donc. Ouais, pour avoir fait des écoles, une école privée et une école publique, de ce que je retiens de l'école privée, c'est qu'il y a beaucoup de. Il y a beaucoup d'apparences qui cachent en fait les mêmes vices que tu vas avoir comme dans l'école publique, des vices qui sont peut-être juste plus à vue d'œil quand tu as moins d'argent pour juste Ben oui. couvrir les choses. Surtout que quand t'es public, je sens que t'as moins peur nécessairement de l'expliciter parce que ça peut faire en sorte que tu peux justement avoir plus d'aide puis tu te sens moins mal, tandis que l'école privée, ben c'est que eux, ils sont beaucoup stickés sur les classements puis sur le prestige et tout ça, donc. T'as plus de risques dans l'école privée si tu montres quelconque déviation du système Ouais. que dans Une l'école publique. vulnérabilité, ouais. Ben, c'est quand même intéressant parce que moi, est-ce que je connais, j'étais à l'école privée 1 an, ça a pas fité. Je connais des gens qui l'ont fait comme longtemps, puis c'était comme ah man, plein de drogue là-bas, tout le temps, genre. C'est comme. Ben oui, puis tu sais, à Outremont, il y a eu une controverse récemment à savoir est-ce qu'on installe une SQDC ou non. Et là, il y a eu de la grogne, beaucoup de la population, ils voulaient pas une SQDC, notamment parce qu'il y a des écoles alentours. Et là-dessus, je pourrais te faire un épisode complet sur à quel point ça m'a outré un peu cette approche-là. Parce que je me disais, ben, vous pensez que parce qu'il n'y a pas de SQDC à Outremont, il n'y a pas de drogue, par exemple, au collège Stanislas. Je suis genre, arrêtez d'être aussi aveugle, s'il vous plaît, là, tu sais. Comme ce que je trouve intéressant, c'est que tu me dis que tu étais fort en littérature, en philosophie, mais moins fort en sciences. Puis j'aurais pensé que les sciences auraient peut-être été comme valorisées ou Je peux pas dire que ça a été dévalorisé. C'est que quand je compare, en tout cas avec mon expérience au cégep, et quand je compare avec mes camarades de classe du cégep, ce qu'ils ont vécu au secondaire, moi par exemple, et c'est propre au système français de ce que j'ai compris, mais j'ai jamais fait, avant le cégep, un rapport de laboratoire. Donc, en arrivant au cégep, je ne savais pas c'était quoi un rapport de laboratoire, je ne savais pas en quoi ça consistait, en qu'est-ce qu'il fallait faire et tout ça, j'en avais aucune idée. Et c'est ça, j'ai appris un peu sur le tas. Puis aussi, dans le système français, les cours de physique et de chimie sont dans le même cours, sont donnés par le même prof. Donc, c'est des cours de physique-chimie. C'est pas des cours de physique et des cours de chimie. Donc, je sais que mon frère, ma sœur et moi qui avons fait le même parcours, on a été un peu surpris en arrivant au cégep de se dire, ah, mais ça, c'est de la physique ou de la chimie, parce que nous, au final, on mélangeait les deux. Évidemment, on était quand même assez perspicace ça prenait pas tant de temps pour différencier les deux, mais parfois, on s'est rendu compte à quel point, en fait, les deux domaines étaient beaucoup plus différents que ce qu'on essayait de nous vendre au système français. Puis je pense vraiment que ça a affecté mon éducation scientifique. Parce qu'au début, tu voulais aller dans un domaine plus scientifique, relations internationales, je pense. Non, non, non. Non, je pense que moi, j'ai jamais vraiment, à part la psychologie et peut-être, disons, la neuroscience, je trouvais ça assez intéressant, mais moi, j'ai toujours su un peu que j'allais me retourner vers des trucs plus politiques ou juridiques ou quelque chose de plus social, humain. J'étais beaucoup impliqué dans, tu sais, des activités, beaucoup de, tu sais, d'implication, leadership, de travail social et communautaire au secondaire. Donc, je savais pas mal que je m'enlignais vers ça. Puis c'est ça, une fois rendu au cégep, en plus j'ai changé de programme, j'étais en sciences, lettres et arts, et finalement je me suis retrouvé en sciences humaines parce que j'étais vraiment trop nul en sciences. Et après les sciences humaines, justement, bon, les relations internationales, c'est ça qui est venu confirmer mon amour des sciences sociales. Okay. T'as jamais vraiment étudié en arts et lettres. Ton bagage comme collège français t'a sûrement dû aider là-dedans, mais t'es pas quelqu'un qui s'est dit, ah ben je vais aller en littérature. Cependant, tu fais beaucoup d'écriture. Oui, ça c'est en effet c'est super intéressant, puis c'est sûr que ça m'arrive parfois de me dire, ah, je suis peut-être un peu imposteur, je devrais peut-être faire des études littéraires. J'ai fait un peu, donc, tu sais, au cégep, comme je dis, au début j'ai fait sciences, lettres et arts, donc on avait quand même des cours d'art un peu, mais je peux pas considérer que ce programme-là c'était un programme d'art. C'était surtout axé sur la science, mais c'était bon, c'était quand même du monde très exceptionnel. J'ai adoré ce programme-là. J'ai jamais fait, puis je dirais c'est ça a été l'accumulation des cours de français à Stanislas qui était très rigoureux, des cours encore plus rigoureux à Brébeuf avec des professeurs exceptionnels. Et moi, pour moi, c'est très important de pouvoir mélanger la politique et la culture, qui sont deux choses que je trouve fondamentales et que je trouve plus reliées qu'on pourrait le croire. Et j'aime souvent faire la référence au livre Les luttes fécondes de Catherine Dorion pour expliciter ça. C'est un livre, CISM doit être tanné de m'entendre parler de ce livre-là. Je pense que c'est la troisième ou quatrième fois que je le mentionne. Mais ce livre-là est franchement exceptionnel. C'est Catherine Dorion, donc députée de l'Assemblée nationale pour Québec solidaire, mais aussi donc artiste, et qui explique en fait au final que, ben, la culture, tout comme la politique, ça vient au fond de l'amour, tu sais, puis du contraire un peu de l'indifférence. En fait, c'est en n'étant pas indifférent, on veut créer, on veut montrer les choses, on veut créer des passions, puis on veut s'inspirer et expirer en même temps. Puis donc, moi, c'est beaucoup comme ça que je vois ça. Et donc, moi, j'écris, mais j'ai besoin de tout cet aspect plus politique, rigide, de recherche. Je veux sentir que si je faisais juste de l'art, je sentirais que je contribue pas, tu sais, à ma société. Mais en même temps, si je faisais juste de la politique, je sentirais que je vis pas, puis que je partage pas ma saveur, tu sais. Donc, je suis très content d'avoir les deux. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu as l'air à faire une dichotomie particulière entre juste de l'art ou juste de la politique. Il y a un courant de gens qui disent que l'art, c'est tout le temps politique. Veux, veux pas, tu peux pas t'extraire d'un contexte particulier. Oui. J'espère que je t'ai pas interrompu. Non, non, c'était quelque chose à dire. Vas-y. Eh bien, ça va peut-être sonner vraiment simpliste ce que je veux dire, et pourtant je le pense vraiment fondamentalement. Selon moi, tout est de l'art et tout est de la politique. Et donc, l'art est de la politique, mais la politique est de l'art aussi. Tu sais, dans le sens, pour moi, vraiment, ça s'articule de même. N'importe quoi que tu regardes, que tu vois, que t'entends, que tu sens, c'est de l'art. Mais tout ça aussi est un, la politique en soi, c'est quoi? C'est, ben, l'action, une action quelconque d'une entité, bon, souvent l'humain, envers ce qui l'entoure. Et donc, n'importe quelle action de l'humain ou d'une entité qui crée quelque chose, crée de l'art, tu sais. Ah, Philippe, t'es en train d'ouvrir une boîte de Pandore, là, on n'a plus le temps, genre, on peut pas comme parler de ça fort. Je suis sûr qu'il y a des thèses de doctorat là-dessus. Ah, clairement, je veux dire, tu rentres un peu dans mon domaine, là, puis c'est comme, j'ai le goût de comme poser, de pousser plus loin, mais on n'a pas une autre heure et demie, là. Je pense pas. Mais c'est effectivement intéressant. Il y a des... Moi, j'apporterai plusieurs nuances, mais on va parler de ta pratique d'écriture. Tu vas pouvoir citer si jamais ça t'as envie. Mais quand tu t'assois pour écrire, ça a l'air de quoi? Ouf. Je pense que tout le monde a la vision un peu, tu sais, oh, je m'assois dans un beau bureau, ou au contraire, un bureau complètement à l'envers, un débarras, puis t'es comme, oh, là, je vais écrire 3 heures. Moi, c'est pas vraiment ça. C'est souvent, je suis assis dans mon salon, et c'est que soit j'ai du temps enfin pour écrire, parce que moi, je veux tout le temps écrire. Genre, présentement, je veux écrire, genre, tout le temps, je veux écrire. Donc, quand je trouve finalement du temps, souvent c'est le soir, et ça donne bien parce que moi je me sens plus créatif le soir, avant de dormir, alors que je suis plus fatigué, je me sens plus comme désinhibé, et donc souvent je suis assis dans mon salon, un peu genre comme tout le monde serait assis dans son salon, et donc je me mets un peu à écrire, puis quand je me tanne puis que je suis vraiment trop fatigué, j'arrête. Puis parfois, en fait, quand j'ai vraiment encore des petites idées, je les note sans vraiment écrire. Puis donc, je retrouve le texte le lendemain. Puis, tu sais, parfois, tu sais, je dis le lendemain, mais tu vois, ça fait plusieurs jours que j'ai écrit. Mais tu vois, la semaine dernière, ça me grugeait. J'étais comme, non, là, faut que j'écrive. Fait que là, je m'étais pris vraiment une demi-heure, une heure. Mais, tu sais, je me chronomètre pas. C'est vraiment en fonction de ce qui ressort. Mais après, je traîne toujours aussi mon téléphone avec moi pour noter mes petites idées parfois qui me viennent dans le métro. Souvent, c'est dans le métro. J'ai souvent des idées dans le métro. L'esprit de l'escalier. Oui, l'esprit de l'escalier. Je connais pas. Je pense que je le cite mal ou pas correctement, mais tu penses à quelque chose, puis t'as pas la réponse, mais tu descends de ton appartement, puis dans l'escalier, soudainement, tu y penses. Ah oui, OK, ben c'est exactement ça. Oui, c'est exactement ça. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il y a avec le métro. Je suis un peu d'accord avec toi. Et d'ailleurs, une des raisons pour laquelle je voulais t'inviter et parler d'écriture, c'est parce que je me demandais comment moi, je pourrais comme pratiquer mon écriture, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, mais genre, j'ai pas la passion absolue comme toi, tu as l'air à l'avoir. Ouais. Mais ça m'arrive des fois aussi. Le soir, je me couche. Puis là, c'est comme, ah non, je sais qu'est-ce qu'il faut que j'écrive. Il faut que je me relève. Il est comme 2 heures du matin. Genre, faut que je passe comme une heure à, mm-hmm. à écrire. Ben, moi, si j'avais un conseil à donner aux gens qui veulent écrire, c'est écrivez-moi, je vais vous donner un tarif et vous pourrez dire que c'est vous. Ok, non, non. <C'est>... ce que je dirais, c'est vraiment, je pense que ce qui bloque beaucoup de gens, c'est la peur, genre du jugement. Puis c'est en fait, la peur de pas se sentir à la hauteur. Je sens que souvent les gens, ils veulent écrire, mais ils savent pas comment écrire. Puis ils sont comme merde, ce que j'écris, c'est de la merde. Genre, j'aime pas ce que j'écris. Puis ils se donnent pas le luxe de faire des erreurs ou le luxe de pouvoir revoir des textes qu'ils ont écrits, puis de se dire bon, ben peut-être que ça finalement c'était pas si bon, mais ça m'a comme formé, tu sais. Donc se donner ce luxe là puis aussi parfois, bon, quand t'es rendu à un certain point aussi, ben de prendre et de laisser beaucoup, de laisser les critiques, tu sais. Donc moi, j'ai écrit, à un moment donné, j'écrivais un texte et je le faisais lire à tous mes proches. Et un proche me disait tel commentaire, puis j'étais pas vraiment d'accord. Mais là, je l'ai fait lire à d'autres personnes, puis tout le monde me passait le même commentaire. Puis je me disais, bon, ben rendu à un moment donné, sûrement que ces gens-là, ils avaient raison. Fait que j'ai décidé de le modifier. Mais parfois aussi, il y a des commentaires qu'on m'écrit, puis on me dit, ah, moi, j'aime vraiment pas ça, puis tout ça. Puis je suis comme, ok, mais il y a du monde qui aime ça, puis là-dessus j'aime, puis je suis confiant, puis c'est justifié, puis tout ça. Donc c'est sûr que ça donne un pincement lire des critiques, mais parfois aussi ça peut être formateur, surtout qu'en fait quand tu sens que t'es sur les mêmes longueurs d'onde que la personne qui te corrige, qui te lit, qui te révise. Ouais, recevoir des critiques, c'est comme tu dis, ça prend et à laisser, c'est gênant, c'est ça fait mal. C'est vrai, je suis d'accord. C'est moi, dans mes pratiques artistiques plus générales qui sont très rares, c'est jamais le fun de s'exposer parce qu'essentiellement, tu t'exposes et tu as toujours le pincement que tu ressens, même si tu es détaché, il va toujours être là. T'as beau te dire c'est correct, puis même si les gens te disent ah non, mais c'est vraiment, sinon c'est super là. Tu sais, évidemment, t'accroches pas sur le « c'est super », t'accroches sur le « ça va mal », tu sais. Ou des fois, c'est « est-ce que c'est vraiment super? » Oui, même quand parfois quand les gens me disent « c'est super », ils me donnent pas de commentaires, je trouve ça quasiment pire parfois, là. Fait qu'on s'entend que je suis jamais satisfait, là. Mais ça, c'est peut-être un autre problème, mais... Ouais. Puis aussi, en fait, tu sais... C'est que moi, pour moi, c'est important parfois quand je donne des commentaires moi-même de souligner les bonnes parties. Tu sais, je souligne les parties que j'aime moins, mais aussi je mets certaines parties, je suis comme, ah, ça, c'était écœurant. Tu sais. Fait que. Mais je dis ça, puis je continue à croire qu'il faut arrêter d'être. Ben, pas il faut arrêter, mais il faut essayer de lutter contre le complexe qu'on peut avoir parce que une fois qu'on se donne le luxe de pouvoir créer, ben, c'est là qu'on trouve un certain plaisir, puis c'est en forgeant qu'on devient forgeron, tu sais. Ça, c'est vrai, une pratique constante va juste... En fait, on dit une pratique constante, mais il doit avoir une certaine un certain désir d'amélioration. Est-ce que je me trompe? Ben oui, ben c'est que quand t'aimes ça, tu sais, après, il faut pas forcer les gens à faire ce qu'ils aiment pas. Donc, si t'aimes pas l'écriture, écris pas, tu sais, dans le sens... oui, c'est sûr que moi, disons, j'aime beaucoup... Ben, je dis j'aime beaucoup. J'aime peindre, mais je peins genre... une fois par année, je me donne ce luxe-là une fois par année, et donc, est-ce que je progresse? Sûrement. Est-ce que je progresse autant que je voudrais? Pas du tout, tu sais. Mais est-ce que ma passion est suffisamment forte pour que je continue là-dedans? Ben non, tu sais, je préfère écrire, donc je pense que c'est ça aussi. Est-ce que la relecture, c'est important? Je trouve, et je pense que je me ferais, justement, parce que je suis pas un étudiant en littérature, je pense que je me ferais taper sur les doigts pour dire ça, mais je pense que c'est overrated, comme on dit. C'est surestimé, la relecture. Mais en même temps aussi, c'est que moi, les textes que j'écris, c'est beaucoup dans le spontané, dans le franc-parler. Donc... mais aussi, parfois, en même temps, j'écris quand je suis fatigué. Donc, parfois, j'écris des phrases qui se tiennent plus ou moins. Puis, donc, oui, que je dois relire. Donc, oui, la relecture est importante, je dirais, mais vraiment, faut pas trop se stresser avec ça non plus. Parce que généralement, moi, ce que j'entends à propos de l'écriture, c'est plutôt que d'écrire un roman, c'est écrit, écrit, écrit, écrit. Après ça, tu coupes, tu élagues et tu... Ouais, ça, j'entends beaucoup ça. Moi, c'est même pas, je dirais même pas c'est tant élagué, moi, quand je me relis, j'ajoute des phrases. Mais c'est parce que j'ai tendance à être trop concis et donc parfois pas assez clair dans ce que je veux dire. Donc, parfois je fais attention à ça, mais donc présentement, mon projet d'écriture, c'est, mon but justement, c'est de montrer un gars, mon personnage principal dans le texte que je suis en train d'écrire présentement, c'est une personne qui justement a les pensées un peu partout. Et donc, j'adore ça, rajouter des couches et que justement le lecteur soit un peu perdu. J'adore ça. Je l'ai pas lu au complet, mais un livre relativement controversé récemment qui est Infinite Jest de David Foster Wallace. Wow, c'est drôle que tu parles de ça. Ah ouais? C'est un livre que, ben, c'est une grosse brique aussi, d'abord pour les gens qui connaissent pas ce livre-là. Je ne l'ai pas lu, j'ai juste lu en fait genre les, comme, je sais pas moi, genre 40 premières pages, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, mais vu que comme je dis, je lis pas autant que je veux, j'ai décidé d'arrêter de lire des livres beaucoup plus comme concis et simples, mais c'est un projet de vie que de lire ce livre-là, et c'est un livre qui a inspiré des gens qui m'inspirent, et donc c'est pour ça que je voulais lire ce livre-là. C'était le groupe de 1975, et leur album, A Brief Inquiry into an Online Relationship, qui est un album qui m'inspire beaucoup dans ma vie en général. Et l'artiste principal, le chanteur, disait que ce livre-là l'avait inspiré. Donc, c'est pour ça que je me suis mis à le lire. C'est un livre très important dans la culture américaine, années 90 et après. C'est un livre qui a aussi son lot de critiques. Bon, je ne m'étendrai pas là-dessus. Je ne les connais pas exactement, mais c'est une question du regard comme d'un l'homme blanc hétérosexuel cisgenré qui veut comme parler de sa société, mais qui le fait d'un point de vue comme relativement restreint. Ceci dit, t'as mentionné les 40 premières pages. Moi, je l'ai lu à peu près 300, là, parce que c'est un livre de 1100 pages à peu près. Puis c'est un livre qui fait exprès de ce que j'ai compris de brouiller un peu les gens, le Ben, lecteur. c'est ça. C'est un livre que tu as des notes en bas de page, qui ont des notes en bas de page eux-mêmes. Fait que tu déconstruis la linéarité du texte comme ça. Et le premier chapitre, moi, je l'ai lu, j'ai trouvé extrêmement difficile à lire, puis comme pas le fun. Ça prend à peu près comme 4-5 pages avant de comprendre que ben, le gars est en train de faire une crise de panique, puis il ne sait plus où est-ce qu'il est, puis qu'il comprend mal les affaires, donc les choses sont écrites de manière brouillée. Oui, j'ai tellement été confus, et c'est peut-être pour ça que j'ai arrêté aussi après genre une quarantaine de pages, mais j'ai lu ce premier chapitre-là et j'étais aussi très confus. Puis tu parles de linéarité et tout ça, c'est ce qui m'avait intéressé. Puis ce livre-là, notamment, parle aussi du Québec, à ce qui paraît. Puis j'ai les notes de bas de page et tu sais, jouer avec ça et toutes les conventions, et je parlais du film Arrival tout à l'heure, moi c'est exactement ça que j'aime. C'est se dire pourquoi on fait un livre comme on fait un livre présentement. Puis donc, moi, j'ai un projet de recueil de nouvelles, puis je veux vraiment jouer avec ça si jamais je réussis à le soumettre, et à le publier. Un recueil de nouvelles qui s'apparente plus à un roman. Ouais, ben, ça, ben, c'est ça. Ben, c'est drôle que tu dis ça. Je disais que j'étais en train d'écrire présentement, et c'était même pas pour ce recueil de nouvelles. C'est une nouvelle que j'étais en train d'écrire, et en l'écrivant, j'étais comme, hey! Je pense vraiment que ça pourrait devenir un roman. Fait que ce truc-là, tranquillement, ça pourrait devenir un roman. Intéressant. J'ai hâte d'en savoir plus. Ça de même, là. Ben, est-ce que tu veux que je peux t'expliquer? Mais en fait, non, je veux rien spoil de cette histoire-là encore. Non, c'est correct. On tire à la fin. Merci d'avoir participé à l'émission. C'était super le fun. Hey, non, mais c'est moi qui devrais remercier de m'accueillir. Je pensais pas que mes propos étaient si pertinents. Ben, on a fait une pré-entrevue. Moi, j'étais comme ça va être une discussion intéressante à avoir de toute manière. Fait que ça. Oui. Puis si tu veux, est-ce que tu pourrais juste nous lire un petit extrait pour qu'on puisse se quitter là-dessus? Oui, avec plaisir. Attends 2 secondes, je pense. Faut que je retrouve mon texte. Ah, voilà. Ok. Je savais pas quelle partie tu voulais ou quoi. J'ai hésité à prendre peut-être le début pour donner un petit goût, mais j'ai décidé finalement de prendre une partie peut-être plus frontale. Alors. Ok. Je me suis rendu compte. Je peux y aller? Vas-y, vas-y. OK. Je me suis rendu rapidement compte en arrivant ici que tout le monde se promène en maillot, sans chandail. Moi, je mets mon chandail, mais c'est parce que je suis frileux, c'est tout. T'es pas très musclé, dis donc. T'es un peu trop poilu à mon goût. T'es donc ben petit. Haha, t'es roux, t'as pas d'âme? C'est pas des bras, ça, c'est des allumettes. Regarde tes jambes, on dirait un poulet. Qu'elles m'ont déjà dit mes quelques fréquentations. Bon, je dis mes quelques fréquentations, en réalité, j'en en ai eu qu'une seule. J'ai un physique particulier, je l'admets, mais c'est pas pour ça que je mets mon chandail. Je suis juste frileux, compris? Et en passant, j'ai peut-être pas un six-pack, mais j'ai un bac au moins. Un bac en cinéma. Ça sert à rien que vous me direz, mais... Ah, et puis je comprends même pas pourquoi je m'explique. Je me le suis bien dit en venant ici, je me fous de tout. Haters gonna hate. Je fais ce que je veux. Je rentre dans ma chambre, mon lit a pas été fait, ça m'étonne même plus. Je regarde la télévision, il y a vraiment pas grand-chose d'intéressant. Je suis tanné. Je ferme la télé, me mets la main dans le maillot et me masturbe. Tu regardes pas de site porno que tu me demanderas? Non, j'en ai pas de besoin. Va pour la simplicité. Tout se passe dans ma tête. Tu as jamais vu cette position, que c'est ce que l'a fait mon ex quand on faisait l'amour? Non, je la connais pas, cette position. Ça paraît pas assez, cette petite cruche. Toi, tu connais la filmographie de Kubrick? La délicatesse d'Ang Lee? L'audace d'Almodovar? Non? Alors, tais-toi. Dès que tu pourras me nommer plus que Dolan, Spielberg et Tarantino, on pourra se reparler de ma supposée stupidité. Bitch. Merci, Philippe. Ben, de rien, c'est mon plaisir. Vraiment, merci beaucoup pour le joli accueil.